par principe l'idée que la prison doit aussi rééduquer, doit permettre le retour dans la vie. Aux États-Unis, la prison, elle est vraiment là comme une punition, comme d'ailleurs la peine de mort, avec l'idée que l'exemplarité suffira en fait pour ramener la paix sociale, ce qui est alors dénoncé par tous les psychologues américains, par l'ensemble des spécialistes du système carcéral. Mais quand on demande aux Américains, les Américains restent attachés à la peine de mort, restent attachés à ces prisons très dures, même, et c'est là que c'est frappant, je regardais un peu les enquêtes d'opinion, même si par exemple il y a parfois des erreurs judiciaires, malgré cela ils continuent à être accrochés à l'idée de l'exemplarité de la peine, même si elle n'est pas exemplaire, l'exemplarité de la peine de mort ou des prisons extrêmement dures du type les Alcatraz d'aujourd'hui. Rikers Island, par exemple. J'imagine qu'avec Donald Trump, ça ne va pas s'arranger, cette façon de voir la répression. Non, d'autant plus qu'il n'y a pas très longtemps, il nous rappelait, le président américain, que le système pénitentiaire, le système carcéral, la justice était trop tendre aux États-Unis. Ce sont ses mots. La justice est trop tendre aux États-Unis. Donc effectivement, et il a même ajouté, et c'est une des tendances d'aujourd'hui, que l'idée, l'hypothèse d'une forme de privatisation de la privation de la liberté, donc des prisons, du système des prisons, est tout à fait envisageable. Sa préférence va vers ça. C'est-à-dire que c'est alors qu'on est c'est un droit régalien de l'État, ça fait partie vraiment de ses prérogatives d'emprisonner les gens qu'il considère comme étant dangereux pour l'ordre social. Eh bien, aux États-Unis, mais on l'a aussi fait avec l'armée américaine. L'armée américaine, elle est aujourd'hui soutenue par des tas de milices privées, Blackwater et d'autres, mais ils veulent le développer également au niveau des prisons, parce qu'ils considèrent que c'est un surcoût pour la société, parce qu'on ne sait pas bien faire. Mais évidemment, alors là, une privatisation, quel serait l'enjeu, quel serait le coût, quelle serait l'attente de la part des entreprises privées, quelle serait la meilleure offre potentielle. Et c'est, j'imagine, pas dans l'idée de la réinsertion, mais davantage dans l'idée d'empêcher les évasions, et on y revient toujours, d'empêcher potentiellement un nouvel Alcatraz. Thomas Negaroff, on va terminer en revenant sur une évasion, en écoutant cette archive, l'évasion de Maurice. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait l'historien Michel Pierre. Donc on l'écoute, on en dira un mot, et après on se quittera sur ce qu'était le sujet au départ, et ce qu'est le sujet, l'évasion. L'évasion de Frank Maurice est un grand succès des visites touristiques d'aujourd'hui. Le million de visiteurs qui va aujourd'hui à Alcatraz est évidemment fasciné par cette évasion de 1962, et on n'a effectivement jamais retrouvé les trois évadés. Alors on pense qu'ils sont peut-être noyés ou n'ont pas mangé par les requins, parce qu'il n'y a pas vraiment de requins dans la baie comme on le dit parfois. Et vous avez toujours des fiches de recherche qui existent pour Frank Maurice et les deux frères Anglin, dont on peut espérer qu'ils ont vraiment réussi quand même leur évasion et qu'ils sont morts de leur belle mort. Voilà, certains disent qu'ils sont peut-être en vie, vous ne savez pas plus que moi. Non. Thomas, bon voilà. Non, en revanche, ce que je sais, c'est que le mystère, comme celui de la mort de Kennedy, comme celui de la mort de Marilyn, savamment entretenu, et on est dans cette même chronologie, hein, 62, 63, eh bien, ouvre un espace à l'imaginaire, ouvre un espace aux hypothèses, et la mythologie américaine adore s'insérer dans cet interstice de l'indécision et de l'incertitude. Et on est en plein dedans avec Alcatraz, et c'est clair que le mythe d'Alcatraz ne serait pas ce mythe sans cette histoire potentielle d'une évasion. Bien sûr, et je rappelle qu'on peut visiter la prison d'Alcatraz et qu'on peut même faire le chemin des évadés, une sorte de marathon qui se finit à la nage d'ailleurs, parce qu'il faut finir. Un triathlon. Un triathlon, voilà. Merci infiniment, Thomas Negaroff. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les évadés d'Alcatraz, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Arnaud Cailleux qui était à la technique aujourd'hui. Demain nous resterons en Californie. Nous évoquerons l'histoire de Patricia Hertz, née à San Francisco et enlevée en 1974 à Los Angeles. C'est l'héritière d'un patron de presse. Elle est enlevée par des terroristes d'extrême gauche et elle épouse leur cause, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Mais tout cela va l'envoyer en prison pendant 2 ans. Et puis vendredi, pendant que j'y suis, puisque j'ai un petit peu de temps, nous pencherons sur ce pays très étrange qu'est la Corée du Nord.